J'ai pensé à toi il y a longtemps déjà, qu'on n'a pas fêté ensemble. Je suis toujours le même, on n'a pas changé. J'ai pensé à toi depuis un moment, je me sens bien étranger. Les gens sont les mêmes, on n'a pas changé. Je me sens bien étranger. Les gens sont les mêmes. On n'a pas changé.